Chapitre 70e pour la patrie. Le lieutenant Maritsu, comme ses camarades, en uniforme et ganté de blanc, se trouvait dans la pièce qui, à l'hôtel, servait de salle de rapport, de salon au général Osaka. Tous étaient graves, et leurs visages de masque, d'ailleurs impénétrables, semblaient plus graves, plus tristes ce matin. Ils se levèrent quand le général parut et saluèrent. Le général leur rendit le salut. « Comment allez-vous ce matin ? » demanda-t-il au lieutenant Maritsu. « Comment vous sentez-vous ? » « Assez fort pour faire mon devoir. Bon, les médecins qui vous ont soigné vous ont dit ?»« Qu'il fallait me couper la main. » « Oui, mon général. » »« Mais il ne faut pas qu'on sache, qu'on s'aperçoive que vous avez déjà été blessé. » »« Non, mon général. » « Avez-vous trouvé l'accident qui vous arrivera dans la matinée qui nécessitera l'intervention chirurgicale immédiate ?»« Oui, mon général. » »« C'est bien. Lieutenant, bon courage. » Le général prit sa cravache. « En route donc, messieurs. » Peu après, les officiers japonais roulaient vers le camp de Satori, dans la puissante auto qui, hier soir, n'avait pas de lumière. Tout le monde était silencieux, recueilli, comme l'on va à une cérémonie funèbre ou à un triste devoir. À un moment donné, le général Osaka tourna la tête vers le lieutenant Maritsu et l'aperçut au coin des yeux de son officier d'ordonnance, de grosses larmes qui lentement se faisaient jour sous les paupières bridées. « Je suppose, lieutenant, dit-il, que c'est uniquement parce que vous craignez de ne plus pouvoir servir aussi aisément qu'avant le Japon que vous pleurez. Oui, mon général. Vous saurez tout de même rendre de bons services au pays, mais séchez vos larmes, nous arrivons. » L'auto du général Osaka déposa ceux qu'elle portait et alla se placer de telle façon qu'elle gênait considérablement la circulation. Le général et ses officiers pénétrèrent sur le champ d'expérience, et leur groupe se mêla au groupe des officiers des autres nations comme la veille. Cependant, l'heure fixée pour la reprise des essais était depuis longtemps sonnée. Le feu n'était pas encore commencé. « Qu'est-ce qu'on attend donc ? » demanda le général Osaka. On lui dit que l'on procédait à une enquête. La nuit, on avait essayé de voler un détonateur Imaïlo. Et celui qui tentait cela, inexpérimenté, avait fait exploser le détonateur. Ce matin, la justice militaire et la préfecture de police, la sûreté, faisaient une enquête. « C'est tellement grave, lui dit-on, qu'on s'est adressé au célèbre Paulin Broquet. Hein, est-ce qu'il est sur la piste ? On ne sait pas encore. Mais le voici, peut-être nous dira-t-il. » Précisément, Paulin Broquet, alors non plus un sapeur artificier, mais un Paulin Broquet habituel, apparut à la porte de la casemate avec le préfet de police et le chef de la sûreté. Tout aussitôt, instinctivement, malgré lui en quelque sorte, ses yeux se portèrent sur le groupe des officiers japonais. À ce moment, un brigadier détaché venait trouver les officiers japonais pour leur dire qu'on ne pouvait se faire comprendre du chauffeur japonais, pour lui dire d'aller se mettre ailleurs, qu'il était mal placé. Le chauffeur d'ailleurs prétextait une panne, un arrêt de moteur. Il avait enlevé le capot de sa voiture et il encombrait le passage. « Allez donc voir ce qu'il y a, lieutenant Maritsu, » dit le général. Et le lieutenant Maritsu, d'un pas qu'il rendit aussi ferme, aussi calme que possible, se dirigea vers la voiture. Le lieutenant Maritsu échangea quelques mots avec le chauffeur, qui aussitôt se baissa pour saisir la manivelle mettant le moteur en marche. Presque en même temps, le lieutenant se penchait sur le moteur, regardait, semblant y chercher quelque chose. Puis il fit de la main gauche un signe au chauffeur. Celui-ci donna un tour de manivelle, mit son moteur en mouvement. Alors, quand la machine, à qui tout l'allumage était donné, ronfla formidablement, le lieutenant Maritsu, ayant déganté sa main droite, sa main blessée, la glissa sur le moteur. Il la mit devant les ailes du ventilateur intérieur, touchant à une vitesse folle, et se fit, sans broncher, hacher les doigts. C'était admirable, héroïque, grandiose. Grâce à ce sacrifice, à cette épouvantable mutilation, le lieutenant Maritsu empêchait toute recherche d'aboutir et détruisait toute espèce de confrontation, permettait à son général, à ses camarades, de poursuivre leur mission et de continuer à essayer de prendre dans la casemate, pour le bien de la patrie nippone, ce DR qui donnait une telle force à la patrie française. Mais l'énergie humaine a des limites. Le lieutenant, victime volontaire de ce qui allait passer pour un accident regrettable, ayant accompli son terrible devoir, chancela et faillit tomber à terre, sous la douleur. Il fut reçu par deux bras robustes, ceux de Paulin Broquet. « J'arrive trop tard, lieutenant, » lui dit le détective. « Vous venez de me battre. Laissez-moi vous manifester quand même ma sincère admiration. » « Est-ce aussi bien que ce qu'a fait à Londres le capitaine de la Rochardie ? Vous êtes deux vaillants soldats. Merci. » Alors le lieutenant laissa retomber sa main mutilée et s'évanouit dans les bras de Paulin Broquet, qui accourait pour l'arrêter. Cet accident causa le plus grand émoi, on le conçoit. Les officiers japonais accoururent, des officiers français, anglais, italiens, tous pris par la sympathie, la fraternité d'armes, dans un élan cordial, apportèrent leur hommage aux blessés. Un officier allemand fut même envoyé par ses compatriotes pour voir ce qui se passait. Paulin Broquet, quand on eut mis le blessé dans la voiture des ambulances, s'écarta avec le général Osaka, sous prétexte de lui donner quelques renseignements complémentaires sur l'accident dont il avait pu être le témoin, et lui dit « Général, si le ministre de la guerre, le préfet de police, ne m'avait pas retenu tout à l'heure, cet accident ne serait pas arrivé. Comment cela, monsieur ?»« Parce que, quand ses gardiens ont fumé du tabac du Japon, le détonateur Imaïlo se garde lui-même. Ce qui veut dire, quand on le touche sans en connaître le secret, il fait explosion. C'est une sage précaution. Oui. Alors, quand il a explosé, ceux qui s'attaquaient à lui, d'ailleurs avec une adresse et un courage merveilleux, sont blessés. Il reste sur une planche blanche comme une signature rouge, une main de sang. Une main droite se trouve amputée d'un doigt que j'ai là sur moi, comme fétiche. Comme une pièce à conviction, pour la confrontation immédiate. Car je cherchais ce matin quelle était la main japonaise à qui il manquait un doigt, monsieur. La figure un peu plus pâle, les yeux plus fiévreux du lieutenant Maritsu me frappèrent. Et quand je l'ai vu se diriger vers l'auto, j'ai compris ou qu'on voulait le faire partir, quand on m'avait aperçu, ou qu'il allait m'empêcher de reconstituer sa main, détruire le moyen de prouver sa culpabilité et de montrer à quel travail se livrait ici la mission japonaise. « Ah, monsieur, je ne vous permets pas. Pardon, général. Ceci est entre vous et moi. Vous savez que depuis le Stella Palace, j'ai le droit, sans vous offenser, de vous dire cela. J'ajoute que hier soir, malgré ces lumières éteintes, j'ai vu l'automobile, que malgré le changement de plaque à l'arrière, j'ai su quel était son numéro. J'ajoute, général, que c'est moi qui ai fait sauter les chaînes des trois bicyclettes pliantes que montaient les officiers japonais avant l'explosion qui mit fin à leur exploit. Où voulez-vous en venir ? À vous faire entendre ceci. Hier soir, votre ancien ami Will Wilson, qui par ailleurs, peut-être vous en doutez-vous, est zigomar, a assommé à demi un sapeur pour lui voler une sacoche de cuir contenant les documents sur le DR. Les documents sur le DR ? S'écria le général en tressaillant. C'est lui qui, zigomar, les a. Pour la seconde fois. Pour la seconde fois. Qu'entendez-vous par là ? C'est moi qui les ai mis dans la sacoche pour qu'il les prenne. Alors, comme résultat ? Une pipe du sapeur cassée, une main de lieutenant broyée. Voilà. Le général Osaka regarda le détective, ses yeux obliques lancèrent des éclairs. Vous êtes admirable, mon cher Paulin Broquet, dit-il. Je vous remercie. Permettez-moi de conclure. Désormais, il faut qu'on sache, quoi qu'en dise Otto Friedenstrasse et ses compatriotes, qu'on se garde en France, qu'on se prépare. On n'y tient pas seulement la poudre sèche, mais le moyen de la faire mieux, plus souvent et plus sûrement partir qu'ailleurs, avec le profit dont il vous est possible de vérifier la valeur, ici, aux expériences. Oui, c'est fort, c'est grand, c'est beau. Paulin Broquet ajouta, général. Cette affaire où les Japonais ont montré tant de vaillance pour servir leur patrie est close. Vous seuls et moi saurons jamais le secret de cet acte d'héroïsme. Le lieutenant Maritsu peut se soigner en toute tranquillité, je ne dirai rien. Si je dévoilais le secret, ce serait glorieux pour moi mais inutile, car la France est avant tout généreuse. Elle aime les actes de courage, même chez ceux qui la combattent. Le lieutenant Maritsu trouvera une sympathie générale et serait gracié. La France est sûre de sa force, sans jactance. Elle ne se gonfle pas pour faire croire à son poids, ne cherche aucun mauvais prétexte pour non se faire redouter, mais haïr du monde entier. Elle n'a pas cette peur enfantine de l'espionnage. Elle rit quand on découvre ses défauts, parce qu'elle n'a pas à redouter qu'on trouve chez elle la fêlure du bronze, l'argile des pieds du colosse, et surtout la faiblesse du cœur. Le général serra la main de Paulin Broquet. Vous avez raison. La France est la grande et belle nation. Je suis dans cette affaire où tout mon génie japonais, l'audace, la ruse de ma race étaient en jeu, battu par vous. Je vous rends hommage cordialement. Comme le canon commençait à tonner, le général ajouta « Et je rends hommage à la France. » Puis, se tournant vers la casemate d'où partait le tonnerre, il porta la main à son képi et dit la prière japonaise pour les héros « Que ta voix, ta voix de bronze, monte triomphalement où sont les aïeux, et que les aïeux soient fiers et heureux d'entendre ta voix.